Chaque jour, à la même heure, nous vous apportons les informations que votre censure vous cache. Léo Taxil ou la fabrique des fausses nouvelles. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi ? Une des meilleures manières d'attirer la lumière, c'est de montrer l'ombre. Léo Taxil réussissait très bien dans l'édition à gros tirage dans les années 1890 en racontant que derrière l'apparence, il y a toujours un secret, et derrière le secret, un secret des secrets. Ce principe était au fondement de la petite entreprise qu'il avait montée et qui diffusait par dizaines de milliers brochures, albums, partitions de chansons. Ce goût du complotisme suffirait à faire de lui un contemporain. Mais Taxil avait en plus le génie de changer de fil dès qu'il flairait une opportunité pour mieux se vendre. Il a été ainsi, tour à tour, la vedette des anticléricaux et celle des cléricaux. Dans Le Monde, hier, un dessin montrait un personnage à partie double qui disait « Sur lemonde.fr, je polémique sous la forme de deux pseudos qui se haïssent ». Eh bien, Léo Taxil, c'était déjà ça avant le net. On pense à ce comédien qui fait sale comble avec un one-man show littéraire et qui mène double vie en multipliant les tweets haineux, ou à ce chroniqueur qui n'est que poésie, ouverture et intelligence à l'antenne et qui, sur un compte Twitter parallèle, puise dans les bas-fonds. Quand on fait le choix de ce genre de vie à partie double, il faut s'attendre aux polémiques et même à la bagarre. Néanmoins, on imagine quel plaisir constant Taxil a pris à berner son monde, pas seulement le simple gogo, mais les élites des différents camps qu'il rejoignit tour à tour. Car, on en a la preuve quotidiennement aujourd'hui, ni la culture ni même l'intelligence ne préservent des rumeurs quand elles sont organisées par des manipulateurs de talent. Et il faut bien reconnaître au rebondissant Léo Taxil un certain talent. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie de Grégoire Kaufmann, bonjour. Alors, vous avez publié, naguère, une thèse sur Drummond, l'homme de la libre parole, le grand pamphlétaire antisémite que Perrin pourrait rééditer, d'ailleurs en format poche, c'est une suggestion qu'on peut faire. Nous sommes, on va parler médias dans un instant, mais nous sommes politiquement, aujourd'hui, à un moment boulangiste, le moment qu'a connu Drummond, le général Boulanger, qui veut, sur la décomposition de la République, reconstruire une autre République autoritaire. Oui, cette idée d'un républicanisme autoritaire, des mouvements portés par l'idéologie de l'appel au peuple, avec une vision crépusculaire de la modernité, la hantise du déclin et de la décadence, cette valorisation du peuple contre les élites, et aussi une forme d'irrationnel qui semble envahir l'espace public et qui va de pair avec une fuite en avant et encore cette vision d'une société agonisante. Au Seuil, vous avez publié un récent livre sur cet appel au peuple. Vous présentez le Front National, mais on pourrait dire aussi peut-être le fillonisme tel qu'il se constitue maintenant, comme un nouveau boulangisme. Dites-moi, nous sommes médiatiquement aussi dans un moment Léo Taxilien. Ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Taxil, c'est un pseudo ? Oui, en fait, Taxil, c'est un pseudo. C'était le nom d'un roi indien très courageux qu'il a choisi de prendre après avoir quitté le giron familial qui était d'ailleurs un milieu catholique assez royaliste marseillais. Et il va se lancer donc dans l'aventure anticléricale et à cette occasion changer de nom. Pour y prendre C'était pas pseudo. Une très bonne idée de sa famille bien pensante que de l'envoyer chez les jésuites ? Non, je pense que Taxil a été profondément marqué par son passage chez les jésuites, comme beaucoup de ses contemporains. On pourrait parler d'Octave Mirbeau, je sais que vous l'aimez bien Jean Lebrun. Octave Mirbeau qui a été traumatisé par son passage, ses études au collège des jésuites de Vannes, et qui ne cessait de dénoncer au moment de l'affaire Dreyfus ces pourrisseurs d'âme que sont les jésuites. Taxil, qui est à peu près son contemporain, a lui-même été très marqué par l'éducation jésuite, et il lit déjà en cachette la presse anticléricale et il va vouloir rencontrer le pamphlétaire Henri Rochefort, le pamphlétaire de la Lanterne, pamphlétaire anticlérical d'extrême gauche, anticapitaliste, égalitaire et frondeur. Et c'est à cette occasion qu'il va tenter un voyage en Belgique. Il sera ramené de Belgique entre deux gendarmes. Son père conservateur va le faire interner dans une colonie pénitentiaire, une fois encore tenu par les jésuites, et ça va encore, une fois de plus, je pense, exaspérer sa révolte contre son milieu social à l'Eutaxil. Alors, il se présentera comme communard, il y a eu un essai de commune à Marseille, et c'est à 19 ans, à Marseille toujours, qu'en 1873, il invente son premier canular, des requins, fait-il croire, jusque dans les hautes sphères de la ville, infeste le port. Oui. Monsieur Tassil, quelles sont vos sources ? Les voilà, messieurs. 35 lettres de pêcheurs signalent la présence de requins depuis les Catalans jusqu'à la plage du Prado. Ben, il faut interdire la baignade. Et dites-moi, parmi ces lettres de pêcheurs, certaines donnent-elles la raison de cette invasion ? Un navire venant de Corse a jeté en mer des cargaisons avancées de viande fumée. C'était fatal. Oh, quelle catastrophe ! Que faire ? Partir à la chasse aux requins, monsieur le maire. Sinon, la population va s'alarmer. Depuis des mois, des fouilles très discrètes ont été entreprises au fond du lac Léman, entre Nyon et Copé. Les commentaires de César parlent d'une ville bâtie à l'époque de la conquête romaine, en ce temps où le lac était si étroit que le Rhône le traversait sans y mêler ses eaux. Ce sont les vestiges de cette ville qu'une équipe de scientifiques vient de découvrir. Un archéologue polonais exulte. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai distingué une partie de place publique, un forum, avec au milieu une forme en pierre qui ressemble à une statue équestre. S'il est allé inventer une cité sous lacustre à Genève, c'est qu'il avait dû quitter la France parce que il commençait à accumuler les condamnations à la prison. Il va d'ailleurs être expulsé de Genève, bénéficier de l'amnistie en France en 1878, et donc il va se livrer à la bohème littéraire. Alors la bohème littéraire, Robert Darnton dans Le Monde disait, les fabricants de fausses nouvelles, ça commence peut-être dès le XVIIIe siècle avec les nouvellistes qui racontent les stupres du règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et puis c'est très fréquent aussi dans les années 1880 avec l'expansion de l'imprimé. Oui, tout à fait. On peut dire que l'Eutaxil est vraiment l'émanation de cet âge du papier, comme on l'a parfois nommé. C'est le triomphe de l'imprimé. La presse pénètre au plus profond des campagnes. Et l'Eutaxil est attentif à la doxa. Il possède ce sixième sens du journaliste à l'affût des réflexes, des passions et des attentes des masses. Et déjà, il va faire correspondre son discours à un horizon d'attente. Et cet horizon d'attente, dans un premier temps, il est anticlérical. D'horizon d'attente, mais enfin, il exploite aussi la crédulité des journalistes. Il raconte que Lissagaray, qui était un ancien communard, avait un journal qui s'appelait La Bataille. Il s'est présenté à lui comme un indicateur de police, ce qui lui arrivait d'être dans la réalité, et il a fait passer toutes les fausses nouvelles qu'il voulait à Lissagaray, qui ne regardait pas de très près. Par exemple, on imprimait dans La Bataille que les chanoines de Notre-Dame se réunissaient quotidiennement dans un souterrain pour nettoyer de vieux instruments de supplice qu'ils destinaient à leurs adversaires. Alors, les thèmes de l'anticléricalisme, qu'est-ce que c'est à cette époque, Grégoire Kaufmann ? Ben, c'est quand Taxil, en tout cas, prend la plume pour mener cette croisade anticléricale, c'est l'époque de l'ordre moral. C'est l'époque du maréchal MacMahon, c'est l'époque de la construction du Sacré-Cœur. Il y a déjà chez Léo Taxil cette manière de dénoncer les confesseurs perfides, les curés gourmands, lubriques, pédophiles, des prêtres ridiculisés, animalisés, des pastiches également de la Bible. Et il y a chez lui déjà cette faculté à jouer des mauvais tours et ce talent pour abuser de la crédulité de ses contemporains. Et plus c'est gros, plus ça passe. Tuons-les par le rire, disait-il. C'était son adage, effectivement. Et il y avait chez lui cet esprit, voilà, potache, anarchisant, qui se manifeste déjà à cette époque, à la période anticléricale de Léo Taxil, des années 1870 et du début des années 1880. Alors, il a beaucoup de succès avec ses brochures sur la vie amoureuse de Pinoff. Mais il les double d'une autre brochure sur la papesse Jeanne. Je signale sur ce thème rebattu la papesse Jeanne, un film qui va sortir dans quelques jours. Et puis, il a aussi à son actif une brochure sur les Borgia, dont la thématique rappelle furieusement ce qui est dit ici dans ce feuilleton bien connu. Mille pardons, Éminence. Des nouvelles du Vatican. Le Saint-Père ne va pas tarder à mourir. Nous léguons les 148 000 ducats du trésor pontifical à notre fils bien-aimé Franceschetto. Nous accordons au cardinal Giuliano della Rovere les clés du château Saint-Ange. Mes chers frères, je vous demande instamment d'élire comme successeur un homme meilleur que moi. Signé Innocent le 8e du nom, le 19 juillet 1492. Si nous obéissons à Innocent, le trésor pontifical sera quasiment vide. Il nous demande d'élire quelqu'un de meilleur que lui, mais il ne laisse à ce malheureux pas l'ombre d'un seul ducat. Borgia s'imagine déjà avec la tiare sur la tête. Il n'y aura pas d'argent pour le prochain, quel qu'il soit, pauvre imbécile. Tu vas la fermer, le catalan ? Tenez-vous à ce que le château Saint-Ange soit gouverné par ce génois sodomite. Dans les coulisses, j'allais dire les arrière-loges du Vatican, c'est donc bagarre, stupre et sodomie. Oui, parce qu'il y a un côté pornographique quand même dans les publications de notre ami Léo Taxil. Il s'inscrit pleinement dans la veine de l'époque de l'anticléricalisme pornographique. Il ne va cesser de dénoncer les amours secrètes du pape. Il va même publier des manuels de confesseurs, ces manuels à destination des diacres pour devenir de bons confesseurs. Il va s'approprier ces textes. Il veut montrer que le catholicisme, cette formation, bien pervertit les jeunes gens. Et ça va donner naissance à ce livre qui sera Les pornographies sacrées, La confession et les confesseurs en 1882. Voilà, il y a cette fascination. Il y a un peu chez lui aussi de l'Ernest Pinard, c'est-à-dire ce procureur qui avait fait condamner les Fleurs du Mal et Madame Bovary au nom de l'ordre moral et qui écrivait en cachette des poèmes libertins. Il y a chez Léo Taxil une forme de fascination, de complaisance pour les mœurs licencieuses qu'il décrit, et c'est aussi toute la singularité du personnage. Alors le réseau est très bien organisé, il y a une ligue. Ligue anticléricale, oui, qui rassemble plusieurs milliers d'adhérents et qui écoule les stocks de brochures et de livres publiés par Léo Taxil. Une demi-douzaine par an. Exactement, donc toujours dans cette veine de l'anticléricalisme qui marche très bien au début. Il va finir par être rattrapé par ses créanciers et criblé de dettes, va tenter de changer Restons au moment où il est encore glorieux. Oui, il va changer de bord. Mais les albums, les livres pour enfants... Ça rapporte de l'argent longtemps. Et puis les chansons dont on vendait des partitions en petit format. Les soutanes grotesques. Le fils du jésuite. La chasse aux corbeaux. Calotte et calotin. La clique noire. Les friponneries religieuses. La marseillaise anticléricale. Quoi c'est ? Et leur vicaire ferait la loi dans nos foyers. Quoi ces assassins de nos pères seraient un jour nos meurtriers, seraient un jour nos meurtriers. Car ces cafards de vile race sont nés pour être inquisiteurs. À la porte les imposteurs, place à la République, place aux urnes citoyens contre les cléricaux. Votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Léo Taxil, pamphlétaire, fabricant de fausses nouvelles avec Grégoire Kaufmann. Marc Augeret chante la Marseillaise anticléricale avec le plus grand sérieux. Elle avait été composée en 1881 quand Taxil s'était présenté aux élections législatives à Narbonne sans succès. On va voir que le personnage, on en informe peut-être Marc Augeret, va changer de fusil d'épaule, parce que comme vous le suggériez, à partir du début des années 1880, le fonds anticlérical s'épuise. Oui, ça commence un petit peu à marquer le pas, et puis surtout, ses collaborateurs, ses amis, ceux qui l'épaulent, dans un premier temps, vont s'apercevoir du caractère peut-être un petit peu compromettant du personnage, sulfureux, et il va notamment connaître une mésaventure dans les milieux francs-maçons, puisque il sera donc initié en 1881 et exclu de sa loge un an plus tard, pour indélicatesse financière et vol littéraire. Donc, les francs-maçons commencent à se méfier de lui. Il est donc déchu de ses droits maçonniques et de plus en plus isolé, poursuivi par ses créanciers. Il va donc avoir ce coup de génie de sa prétendue conversion au catholicisme en 1885. Donc, il change de fil pour garder l'accès au grand public. Et cette conversion est bruyante. Et il va même aller faire retraite chez les jésuites, justement, ce qu'il déteste. Je perçois à présent un chemin lumineux, une conversion spectaculaire, théâtrale. Je me livre, pieds et poings liés. Moi, l'anticlérical, le blasphémateur, l'athée, le pornographe, l'antéchrist, je m'immole. Je suis touché par la grâce. C'est par l'intercession de Jeanne d'Arc. C'est elle que je suivrai jusqu'au bûcher. Fustigez-moi, mes ennemis. Crachez sur mon visage. Attaquez-moi, diable de l'enfer. Et vous, serviteurs et enfants de l'Église de Dieu, pleurez de bonheur. Je reviens parmi vous, abîmé, flétri, épuisé. Mais je vous tends les mains. Accueillez-moi. Oui, ça devrait marcher. Nous sommes en 1885 et nous empruntons beaucoup à l'émission de Robert Arnault, Histoire possible et impossible de 2005, cet extrait en vient. L'Église, qui n'est pas regardante, finalement, l'accueille, comme oui, le fils prodigue. Et alors, elle lui propose peut-être, parce qu'elle est très travaillée à l'époque, et par l'anti-judaïsme et par l'anti-maçonnisme, de choisir l'une des deux spécialités, à moins de mêler les deux, je ne sais. Oui, l'antimaçonnisme catholique est une tradition qui se développe au cours du 19e siècle avec une progressive diabolisation catholique de la franc-maçonnerie assimilée à la causalité diabolique, avec des auteurs qui ont marqué évidemment leur temps, comme Augustin Baruel à la fin du 18e siècle, qui est le premier à élever le complot en facteur explicatif de l'histoire. Il est celui qui transforma le... Élever le complot, pas lever le complot. C'est lui qui a transformé en quelque sorte le complot en dramaturgie sacrée. Il va avoir ensuite des imitateurs tout au long du 19e siècle, avec évidemment le syllabus de Pie IX en 1864. Déjà, Pie IX assimile la franc-maçonnerie à la synagogue de Satan. Voilà, c'est ce catholicisme romain intégraliste, anti-individualiste, anti-libéral. Et sa conversion tombe bien, parce que le pape Léon XIII vient de publié une encyclique contre la franc-maçonnerie, puis qu'il y a des évêques, celui de Grenoble, celui de Port-Louis à l'île Maurice, d'autres encore, qui se spécialisent dans la lutte contre les sociétés secrètes. Oui, l'encyclique de Léon XIII, c'est Humanus Genus, en 1884. En gros, Satan conduit le bal maçonnique, le complot est la clé de l'histoire universelle, et c'est cette pensée paranoïaque qui va généraliser le soupçon, et qui est vraiment au cœur de la vision du monde, une certaine partie des catholiques à cette époque-là. Oui, mais parlons aussi des élites littéraires. Joris Karl Huysmans, auquel s'intéresse beaucoup Houellebecq aujourd'hui. Il est très fin de siècle. Et il a trouvé, lui, un filon, qui est le filon ésotérique, occultiste. Ça intéresse, ça aussi, Taxil. Il se dit, là, il y a peut-être quelque chose à prendre. Oui, Taxil traduit à sa manière les vacillements d'une fin de siècle tiraillée entre un rationalisme aride et la survivance de vieilles croyances populaires immergées dans la superstition. Et c'est un peu ça, justement, cet esprit fin de siècle, c'est ce tiraillement. Mais il y a partout des succubes, oui, et des incubes. Je vous demande pas la définition, mais je vous en donne une. Quand le succuba va, tout va. Ça, c'est ce que pense Léo Taxil, qui voit que il y a un vaste champ pour son entreprise. Alors, application de cet ésotérisme à l'anti-maçonnisme. Savez-vous, explique-t-il, et le pape qui l'a reçu le croit, et beaucoup d'évêques et de prélats le croient, qu'il y a un secret des secrets des francs-maçons. 1 million d'entre eux sont regroupés dans une société hyper-secrète, le paladisme, avec un grand atelier sous la forteresse anglaise de Gibraltar. Qui communique avec les enfers. Ah. C'est ce que raconte Léo Taxil dans son livre La maçonnerie luciférienne. En effet, les ateliers de la forteresse de Gibraltar communiqueraient directement avec les feux de l'enfer, et ça va de pair avec évidemment des orgies luciférienne, et aussi le diable qui se transforme en énorme crocodile qui joue du piano. Le diable joue du piano. Exactement. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les catholiques de l'époque, et pas les moindres d'entre eux, puisque le pape lui-même, eh bien, va donner crédit à ce type d'élucubration. Ce qui est intéressant, c'est que Léon XIII est un pape avisé, un très bon connaisseur de la nature humaine, un fin diplomate. C'est le grand pape du ralliement, c'est le pape de Rerum Novarum, de la mission sociale de l'Église. C'est un pape qui a le sens des rapports de force, et il va succomber à cette vision diabolique de la franc-maçonnerie, qui fait aussi partie de sa vision du monde, parce que derrière ces dehors très modernes, eh bien Léon XIII reste quand même attaché à une vision traditionnaliste des rapports sociaux. Et comme les catholiques vivent entre eux, qu'on leur interdit de lire un certain nombre de livres, par contre on leur interdit pas de lire les livres de Taxil, au contraire, et que le pape y croit, eh ben ils suivent comme en procession. Heureusement, dit Léo Taxil, une femme surgit des enfers, qui s'appelle Diana Vaughan, qui communique avec lui par texte dactylographié, et elle est proche de la conversion. Si on demande l'intercession de Jeanne d'Arc, elle va passer le pas. Voilà, il va avoir le coup de génie de mettre en scène une grande maîtresse luciférienne qui se convertirait, qui abjurerait ses erreurs. Et en fait, elle existe réellement. Il va s'adresser à une personne qui s'appelle Diana Vaughan, qui est une jeune et belle personne qui est d'origine américaine et qui est représentante en France d'une marque de machines à écrire, et qui va se prêter avec beaucoup d'amusement à cette supercherie. Tant et si bien que Diana Vaughan va devenir un mythe au sein des milieux francs-maçons. Et va écrire elle-même avec des sommités catholiques, va correspondre avec des évêques, avec Rome, avec les chanoines, etc. Cependant, comme tout à l'heure dans les milieux anticléricaux, des soupçons naissent dans certains milieux cléricaux, ou même chez votre ami Édouard Drumont. Enfin, je dis votre ami parce que vous lui avez consacré un livre. La libre parole de Drumont n'aime pas beaucoup Taxil. Il faut dire qu'en fait, Taxil s'est présenté aux élections municipales de 1890 contre Drumont. Il se présente à l'époque avec la bénédiction de l'archevêque de Paris, puisque Drumont est dans cette séquence durant laquelle il se rapproche des socialistes. Il a un discours très anticapitaliste. Il dénonce la lâcheté des évêques, et donc Taxil est envoyé pour ferrailler contre l'antisémite en chef, Édouard Drumont, qui en gardera évidemment un mauvais souvenir et ne cessera par la suite de dénoncer les menées de Léo Taxil. Même si les deux hommes, évidemment, participent de cette même vision fin de siècle, hantée par le complot, la cabale, le présage, avec cette vision très manichéenne entre, d'un côté, les forces des ténèbres et de l'autre, eh bien, les forces de la lumière. Les soupçons montant, Taxil va se dire que ça commence à sentir le roussi. Il convoque à la Société de Géographie en avril 1897 une conférence de presse devant un public largement composé de prêtres et de folliculaires catholiques. Il leur a annoncé l'arrivée de la dactylographe Diana Vaughan. Le 19 avril 1897, lundi de Pâques, à la salle de la Société Générale de Géographie, boulevard Saint-Germain à Paris, une séance sera réservée à la presse internationale. Au cours de cette séance, Diana Vaughan apparaîtra en public. Monsieur Léo Taxil. Merci. Merci. Mes révérends pères, mesdames et messieurs, Diana Vaughan, que vous attendez tous, ne paraîtra pas ce soir. Parce que Diana Vaughan n'est qu'un mythe. Tout ce qu'elle a dit et fait écrire depuis 12 ans n'est qu'une mystification d'un libre penseur venu flâner dans le camp d'en face. La mystification est ma vocation. On se souvient de l'affaire des requins au large de Marseille. C'était moi. On se souvient de la cité subaquatique du lac Léman. C'était moi. Commencez-vous à y voir plus clair. Salaud ! Non, pas traître. Tout a été prémédité, orchestré. Il n'y a aucun revirement, ma ligne était tracée. On a bien fait de te chasser du Grand Orient. Bagarre générale, les catholiques entonnent « Au Sacré-Cœur, sauver la France ». Ils ont été victimes d'une mystification, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Comment ont-ils pu se laisser prendre ? Alors aujourd'hui, quand un individu est convaincu de mystification semblable, il présente des excuses, il dit que ses tweets sont obsolètes, qu'il les a effacés dans la nuit, mais c'est pas du tout le cas de Léo Taxil. Il assume parfaitement en fait sa supercherie, il se définit comme le prince de la fumisterie, il avoue qu'il a toujours été un fumiste et qu'il a voulu en fait tourner en ridicule ses contemporains puisque selon lui la bêtise humaine n'a pas de limite et il est d'ailleurs à cet égard l'incarnation de nombreux traits du 19e siècle, c'est-à-dire que il se fait successivement le champion de deux partis totalement différents, il démontre bien l'interchangeabilité des doctrines de haine faisant sa tambouille un peu à droite et à gauche sachant adapter son discours à l'ère du temps. Et, vous avez dit 19e, vous n'avez pas dit début 21e. On pourrait évidemment tisser des comparaisons avec la situation aujourd'hui, mais la matrice de ce conspirationnisme a pour théâtre le 19e siècle. Dites-moi, Diana Vaughan disait qu'il y aurait neuf papes après Léon XIII, et qu'après ça serait la victoire de l'Antéchrist. J'ai compté, on en est au 9e. Le pape François, c'est le 9e. Je me demande d'ailleurs si un certain nombre de catholiques ne le considèrent pas comme annonçant l'Antéchrist. Enfin, il faudrait poser la question au Trocadéro, par exemple. Mais Grégoire Kaufmann, il y a d'autres comparaisons qu'on peut tisser avec le monde numérique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si il y avait l'espace du net, il aurait été ravi, Léo Taxil. Ce qui est sûr, c'est que le conspirationnisme, les théories du complot prospèrent en période de crise et lorsque le corps social se délite, lorsque le monde change à toute allure, il y a évidemment toujours un public pour penser que la réalité est en fait un théâtre d'ombre et qu'il y a toujours une minorité qui complote secrètement avec des menées maléfiques et omniscientes qui expliqueraient la complexité de la réalité sociale, et c'est évidemment une vision rassurante, normative, qui distingue les théories du complot au 19e siècle et qu'on le retrouve évidemment encore aujourd'hui par rapport évidemment à ce qu'on peut lire sur Internet. Les 10 dernières années de Léo Taxil ? Eh bien, il se retire comme un bon bourgeois à Sceaux avec sa femme. Il va publier des manuels de cuisine, devenir correcteur pour l'imprimerie de Sceaux. Il va mourir. Ah, un correcteur. Oui, il vérifie ce qui est exact. Il a l'habitude de l'imprimer. Ça, quand même, il a baigné là-dedans toute sa vie. Et il serait en effet chargé de cette tâche. Et il meurt dans l'oubli en 1907. Grégoire Kaufmann, merci à vous. Votre dernier livre aux éditions du Seuil sur le nouveau boulangisme. L'émission a été préparée par Elinka Negulesco, Frédéric Martin, Martin Penet, Franck Olivard en premier, réalisé par Valérie Aestaray avec à la technique Éric Morin.